إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc hier on a expliqué l'introduction du livre de Az-Zakat et on a expliqué les conditions qui ont rapport avec la zakat pour que l'individu soit ait l'obligation de la payer. On a expliqué aussi les sagesses qui sont derrière la zakat. Aujourd'hui, on va commencer à expliquer d'une façon plus détaillée qu'est-ce qui a rapport avec les différentes catégories de zakat. Et on va commencer avec le chapitre Babun fi zakati bahimatil an'am, c'est-à-dire un chapitre au sujet de la zakat, au sujet des bétails et des animaux de bétail. Comme par exemple, il y a trois catégories, on va le voir dans le texte, qui sont parmi les catégories de biens sur lesquels on doit payer un certain montant ou une certaine quantité de zakat. Donc on va commencer tout de suite. Le cheikh il dit i'lam anna min jumlati al-amwal allati awjaba Allah fiha az-zakat bahimatu al-an'am wa hiya الإبل والبقر والغنم بل وهي في طليعة الأموال الزكوية فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه في شأنها وكتب خلفائه معروفة مشهورة في بيان فرائضها و بعث السعاة لجيابتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين. Donc on va expliquer ça. Le cheikh il dit, sache que parmi les biens qu'on possède, parce que les richesses qu'on possède, c'est pas uniquement des richesses matérielles, d'argent comme de l'or ou de l'argent, mais il y a aussi des biens qu'on possède qui font partie de notre richesse. Et parmi les richesses que les gens possèdent ou les biens que les gens possèdent, il y a le bétail. Et le bétail, c'est considéré comme les bétails de trois catégories d'animaux qui sont parmi les biens sur les animaux qu'on doit sur lesquels on doit payer une zakat. C'est-à-dire, c'est pas toutes les sortes d'animaux sur lesquels on doit payer une zakat. Il y a seulement trois catégories d'animaux sur lesquels on doit payer de la zakat et les autres animaux ne rentrent pas dans la zakat. C'est-à-dire, les autres animaux en dehors de ces catégories-là, il n'y a pas de zakat dedans. Et ces catégories-là, c'est Al-Ibil, Wal-Baqar, Wal-Ghanam, c'est-à-dire les chameaux, les vaches et les bœufs, et les chèvres et les moutons. Ce qui a rapport avec ces trois catégories-là. On va expliquer ça plus en détail au fur et à mesure. Mais en général, les autres animaux qu'on possède, il n'y a pas de zakat dessus. Le cheikh il dit بل هي في طليعة الأموال الزكوية. Ça fait partie des biens sur lesquels on doit payer une zakat, qui sont parmi les plus importants des biens, parce qu'on sait que c'était une des richesses les plus importantes parmi les Arabes. Une des richesses les plus importantes parmi les Arabes, c'était les chameaux. Hein? Donc, pour eux, ça signifiait qu'ils avaient une grande richesse lorsqu'ils avaient un grand nombre de chameaux. Les vaches, la même chose aussi. Bon, même si les Arabes n'avaient pas tellement de vaches à cette époque-là, à Mecca ou à Medina, mais dans d'autres régions, il y avait des musulmans ou des gens qui avaient des vaches, comme par exemple au Yémen, ils avaient plutôt des vaches plutôt que des chameaux. Et Al-Ghanam aussi, hein, les gens avaient toujours beaucoup de moutons, de chèvres et tout ce qui a rapport avec ces catégories-là. Donc le cheikh il dit par la suite, il y a des preuves, beaucoup de preuves parmi les hadiths sahiha qui sont très nombreux, qui montrent l'obligation de payer la zakat, et ça a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup de hadiths qui prouvent que c'est obligatoire de payer la zakat sur le bétail. Et il y a même des livres qui ont été écrits à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour clarifier les montants et les catégories de zakat. C'est-à-dire, il y a des lettres qui étaient écrites à ce sujet-là pour envoyer à différentes régions des pays musulmans. Et les khulafas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont eux aussi envoyé des lettres et des explications sur qu'est-ce qui a rapport avec les zakats à travers les différentes régions du monde musulman pour faire connaître aux gens les règles qui ont rapport avec la zakat des animaux et des bétails et des autres catégories de zakat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des responsables pour aller récolter et recueillir et rassembler les zakats parmi les différentes tribus arabes qui étaient autour de Al-Madina Al-Nabawiyya et dans d'autres régions également dans les pays et les territoires musulmans. Donc il y avait toujours des gens qui sont spécialisés dans les règles de la zakat et qui connaissent les catégories de zakat et la quantité de zakat qui doit être prise pour chaque personne. Et donc c'est des gens qui ont étudié les règles et qui les connaissent et qui sont envoyés dans différentes régions pour être capables de récolter la zakat. Donc le cheikh il dit que la zakat pour les chameaux et les vaches et les chèvres ou les moutons elle est obligatoire, mais à deux conditions. الشرط الأول أن تتخذ لدر ونسل لا للعمل لدر ونسل لا للعمل لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نموها بالكبر والنسل فاحتملت المواساة. والشرط الثاني أن تكون سائمة أي راعية لقوله صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي. Donc après le chef il dit والصوم الرعاء فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلى أو غيره وهذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره. Ok, le cheikh il donne les deux conditions. La première condition pour qu'on soit obligé de payer la zakat sur ces trois catégories d'animaux là, c'est la première condition, c'est qu'on les ait pris pour leur lait et pour les faire multiplier, c'est-à-dire pour qu'ils se reproduisent. Ça c'est la première condition. Soit qu'on les prend pour le lait et pour les faire se multiplier et se reproduire, non pas pour les utiliser pour les faire travailler. Donc lorsqu'on les prend pour le lait et pour les faire se reproduire et se multiplier pour augmenter nos biens, donc dans ce cas-là, ça augmente, les biens augmentent et donc ça implique qu'on doit s'en occuper. Et donc dans ce cas-là, ça c'est une des deux conditions qui fait qu'on est obligé de payer la zakat sur ces animaux-là. Cette fois-ci, on les utilise pour travailler, comme un bœuf ou des choses comme ça qu'on utilise pour labourer les champs ou des trucs comme ça. Dans ce cas-là, ce ne serait pas obligatoire de payer la zakat sur cet animal-là. Il y a une deuxième condition aussi, c'est il faut que cet animal-là soit sa'ima, c'est-à-dire il faut que cet animal-là soit un animal qu'on fait pâtre, c'est-à-dire on l'amène pour manger des herbes, de la nourriture de la nature, c'est-à-dire on n'a pas à acheter une nourriture spécifique pour eux, comme on n'achète pas du foin ou des trucs comme ça pour les faire manger de ça, c'est-à-dire on ne l'achète pas nous-mêmes avec notre argent. Ils mangent de la nature ou des herbes qui sont présentes là sur le terrain. Donc dans ce cas-là, si on les fait pâtre, alors dans ce cas-là c'est obligatoire de payer la zakat. C'est la deuxième condition pour que ce soit obligatoire. Et il mentionne un hadith qui est rapporté selon Ahmed, Abu Daoud et An-Nasa'i, qui dit que pour chaque chameau qu'on fait pâtre, si on a 40, eh ben c'est obligatoire de donner comme zakat une vache, bint laboun. Okay? Et on va expliquer qu'est-ce que c'est ibnatul laboun plus tard. Donc ça veut dire que comme condition, il faut que ce soit un chameau qui est sa'ima, c'est-à-dire qu'on fait pâtre, qu'on amène pour j'oublie les termes parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé de ces choses-là, comme si on amène pour faire brouter, je pense que c'est ça le terme, on les amène pour faire brouter de l'herbe. C'est pas de la nourriture qu'on achète pour les nourrir dans un enclos ou dans une étable. C'est dans la nature qu'ils broutent naturellement. Bon, ça c'est la première condition si je comprends bien. C'est la deuxième condition. فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلاء أو غير ذلك أو غيره. Donc ça c'est la deuxième condition. Ok, on a expliqué ces deux conditions là. Premièrement, on va expliquer la zakat qui a rapport avec les chameaux. Ok. Le cheikh dit: أولا زكاة الإبل إذا توفرت الشروط وجب في كل خمس من الإبل شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه كما دل على ذلك السنة والإجماع. أوكي premièrement, lorsqu'on a rempli les conditions qu'on a mentionnées, si une personne possède 5 chameaux, il doit donner une chèvre. Un chameau, une chamelle, 5 chameaux ou 5 chamelles, il doit donner une chèvre. Un chat, c'est la brebis. Ah oui, il doit donner une brebis. Ok? C'est pas une chèvre, c'est une brebis. Parce que chat et chèvre, ça se ressemble, on dirait. Donc, des fois, j'ai tendance toujours à dire chèvre, mais c'est brebis. Ok? Et donc, si tu as 5 chameaux, tu dois donner une chèvre comme zakat pour ces chameaux-là. Si tu en as 10, tu donnes 2 chèvres. Si tu en as 5, si tu en as 15 chameaux, tu donnes 3 chèvres. Et si tu en as 20, tu donnes 4. Donc on voit que à chaque fois qu'on augmente de 5, on augmente une chèvre. Ça c'est pour le début. D'accord? Donc, si tu as 5, tu donnes une brebis. encore une fois je disais chèvre, bon. Si tu as 5 chameaux, tu donnes une brebis. Si tu as 10, tu donnes 2. Si tu as 15, tu donnes 3. Si tu as 20, tu donnes 4. 4 brebis. Et ça, c'est prouvé par la Sunna et l'Ijma. Okay? Et ça, c'est pour le début. Maintenant, lorsque tes chameaux augmentent, hein, le cheikh dit فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتْ مَخَادِ وَهِيَ مَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ وَدَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهَا تَكُونُ فِي الْغَالِبِ قَدْ مَخِضَتْ أي حملت وليس كونها ماخضا شرطا وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها فإن عدمها أجزأ عنها ابن لبون لحديث أنس عن أبي بكر فإن لم يكن فيها بنت مخاد ففيها ابن لبون ذكر رواه أبو داود ويأتي بيان معنى ابن اللبون. Ok, donc le cheikh il dit, lorsque tu as 25 chameaux, maintenant tu as dépassé 20, tu as dépassé 24, tu arrives à 25 chameaux. Du moment que tu arrives à 25, tu dois donner comme zakat une chamelle qu'on appelle bint makhad. C'est le terme qu'on a donné pour l'âge de cette chamelle. Donc vous allez voir qu'on va utiliser différents termes. Comme on mentionne bint makhad, tout à l'heure on va mentionner bint laboun et on va mentionner plus tard hiqqa et jaz'a. C'est différents noms qui sont utilisés pour les distinguer par âge. On utilise ces différents termes là, d'accord? Donc c'est sûr que ça peut paraître un peu bizarre au début, mais on s'habitue lorsqu'on connaît la signification de ces termes là. Donc quand tu as 25 chameaux, quand tu arrives à 25, à partir de 25, tu dois donner une chamelle qu'on appelle bint makhad. Ça c'est de 25 jusqu'à 35. Tu donnes de 25 à 35 chameaux, tu donnes chaque année bint makhad, cette quantité-là de chameaux. Et bint makhad, c'est-à-dire la fille de celle qui a accouché. Et ça, c'est si tu traduis littéralement. Sinon, c'est la chamelle qui a un an et qui rentre dans la deuxième année. C'est-à-dire, elle a un an et elle rentre dans sa deuxième année. On l'appelle comme ça parce que habituellement sa mère est enceinte maintenant. C'est pas la vache qui a accouché, mais c'est plutôt la vache qui est de nouveau enceinte. D'accord? Donc c'est ça, on l'appelle bint makhad parce que quand on dit makhidat, ça veut dire qu'elle est enceinte, hamilat. OK? Et c'est pas une condition qu'elle soit enceinte sa mère. Même si elle est pas enceinte, c'est pas grave. C'est juste une terminologie ou une description qu'on utilise qui est en général la situation lorsqu'elle entre dans la deuxième année. Hein, quand elle entre 1 et 2 ans, eh ben, habituellement, la femelle, celle qui l'a accouchée, ben, elle est enceinte à nouveau. Donc c'est pour ça qu'il l'appelle comme ça. Mais ce n'est pas une condition pour que ce soit obligatoire de donner cette catégorie-là ou cet âge-là de chamelle. Ok. Si tu n'as pas de femelle, comme si tu n'as pas une bint makhad, tu peux donner un mâle qu'on appelle bint laboun à la place. Au lieu de donner une bint makhad, tu donnes un ibn laboun. Et ça, c'est mentionné dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud selon Abi Bakr. Qui est rapporté par Anas selon Abu Bakr. Ça dit que si tu n'as pas de bint makhad, tu peux donner un ibn laboun, qui est un mâle qui est décrit comme étant bin laboun. Et le cheikh dit qu'on va expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire bin laboun dans pas grand temps, dans qu'est-ce qui suit. Mais je peux vous le dire tout de suite. أمه ذات لبن بعد وضع الحمل وهو الذي دخل في السنة الثالثة donc c'est ça وهو الذي صارت في السنة الثالثة donc ça veut dire que c'est la bint Laboun, c'est la chamelle dont la mère a accouché et qu'elle a commencé à donner du lait. Donc on l'appelle Bint Laboun parce que sa mère allait, ok, elle a du lait et après qu'elle a accouché, elle a du lait. Donc en âge, on peut dire que c'est la vache qui est rentrée dans la troisième année, De toute façon, on va le réexpliquer tout à l'heure. Ça c'est pour Bint Laboun, la femelle. Mais le mâle, on dit Ibn Laboun parce que c'est un mâle, le fils de celle qui donne du lait ou la fille de celle qui donne du lait. Donc là, on a expliqué pour 25. Maintenant, on arrive à qu'est-ce qui suit après qu'on a dépassé 35. Le cheikh dit فَإِذَا بَلَغَتَ الْإِبِلْ سِتًا وَثَلَاثِينَ وَجَبَ فِيهَا بِنْت لَبُونَ لِحَدِيثِ أَنَسْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عن أبي بكر في الصدقات وفيه فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. Ça c'est un hadith encore une fois qui est apporté par Al-Bukhari celui-là. Ça dit que lorsque tu arrives à 36 chameaux, c'est obligatoire de payer comme zakat une chamelle, Bint Laboun. C'est-à-dire, et donc c'est ça. Si tu en as 36, à partir de 36 jusqu'à 45, tu dois donner Bint Laboun. D'accord? Et ça, c'est prouvé par le hadith qui est rapporté, comme on a dit, par Al-Bukhari, selon Al-Bukhari, qui est rapporté selon Anas, selon Anas, selon Abu Bakr, c'est-à-dire dans les Sadaqat. Tout à l'heure, on a mentionné ce même hadith-là, puis j'ai dit que c'était rapporté par Abu Daoud. C'est parce qu'il est rapporté par Abu Daoud et il y a le même dans Al-Bukhari également. Donc, c'est pour ça que j'ai mentionné que c'est par Al-Bukhari. Et le cheikh, il dit que, donc si le hadith, il dit que si ça arrive à partir de 36 jusqu'à 45, alors tu dois donner Bint Laboun. Et c'est une femelle. Bint Laboun, c'est une femelle. Après, le cheikh dit كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِجْمَاعِ وَبِنْت اللَّبُونَ هِيَ مَا تَمَّ لَهَا سَنَتَانِ. Ok. La Bint Laboun, comme on a dit tout à l'heure, c'est elle qui est rentrée dans la troisième année. Elle a deux ans, puis elle rentre dans la troisième année. Ok. Bint Mahad, tout à l'heure, on a dit, c'est celle qui a un an et qui rentre dans la deuxième. Bint Laboun, c'est celle qui a deux ans et qui rentre dans la troisième. Et on l'appelle Bint Laboun, comme on a dit tout à l'heure. وَلِهَذَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ. Pardon, juste un instant. سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهَا تَكُونُ فِي الْغَالِبِ قَدْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَكَانَتْ ذَاتْ لَبَنْ وَلَيْسَ هَذَا شَرْطًا وَلَكِنَّهُ تَعْرِيفٌ لَهَا بِالْغَالِبِ. Ok. Donc on l'appelle Bint Laboun. Pourquoi? Parce que sa mère, en général, elle a accouché de son bébé ou de son petit et elle a commencé à avoir du lait. Mais c'est pas une condition qu'elle ait du lait pour qu'elle s'appelle Bint Laboun. C'est-à-dire c'est une description qu'on utilise en général. Mais même si elle a pas de lait, sa mère, du moment que elle a deux ans, puis elle entre dans la troisième année, on l'appelle comme ça, Bint Laboun. D'accord? Maintenant, إذا بلغت الإبل 46 وجب فيها حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وأن تركب وأن يحمل عليها وأن تركب. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit lorsque tu arrives à 46 chameaux ou chamelles, c'est obligatoire de donner une hiqqa. Et une hiqqa, c'est une chamelle qui a 3 ans et qui rentre dans la 4e. Okay? Et à partir de cet âge-là, on l'appelle hiqqa parce qu'elle mérite ou elle peut. يعني comprends bien ici يتركها الفحل, c'est-à-dire le mâle il peut s'accoupler avec elle et elle peut porter des, on peut mettre des choses sur son dos pour porter, pour la faire porter des choses, et aussi on peut monter dessus. Donc à cet âge-là elle est assez forte pour être capable de supporter ces différentes choses-là. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle hiqqa. Et donc on a dit que c'est celle qui a 3 ans et qui rentre dans la 4e. Ok. Donc de 46 jusqu'à 60, c'est une hiqqa. 46 chameaux jusqu'à 60, c'est une hiqqa. فإذا بلغت الإبل 61 وجب فيها جزعة وهي ما تم لها 4 سنين سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجزع أي تسقط سنها والدليل على وجوب الجزعة في هذا المقدار من الإبل ما في الصحيح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة أخرجه البخاري وقد أجمع العلماء على ذلك. D'accord. Donc lorsque tu as maintenant des chameaux de 61 jusqu'à 75, qu'est-ce que tu dois payer comme zakat pour ces chameaux-là? C'est al-jaz'a, ok? Et c'est celle qui a 4 ans complète et qui rentre dans la 5e, ok? Et on l'appelle jaz'a à cet âge-là parce qu'elle commence à perdre ses dents. Ses dents commencent à tomber. Et la preuve que c'est obligatoire de payer ou de donner comme zakat une jaz'a pour cette quantité-là, de 61 à 75, c'est qu'est-ce qui a été rapporté dans le hadith sahih par al-Bukhari, dans sahih al-Bukhari, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que lorsque la quantité arrive à 61 jusqu'à 75, donc tu dois payer une jaz'a, tu dois donner comme zakat une jaz'a. Et c'est-à-dire, c'est la vache qui arrive à, qui a complété ses 4 ans et qui rentre dans la 5e année. Et les ulama sont tous d'accord là-dessus, c'est-à-dire il y a un ijma à ce sujet-là. Le cheikh dit ensuite: فَإِذَا بَلَغَ مَجْنُوعَ الْإِبِلْ 76 وَجَبَ فِيهَا بِنْتَ لَبُونَ بنت لبون اثنتان للحديث الصحيح وفيه فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. Lorsque la quantité de chameaux arrive à 76, ok, jusqu'à 90, tu dois payer comme zakat deux bint labun. D'accord, à cause du hadith sahih qui a été rapporté à ce sujet-là, qui mentionne ce fait-là, que si tu arrives à 76 jusqu'à 90, tu dois donner deux bint laboun. Et si, comme bint laboun, pour l'expliquer encore une fois, juste pour être sûr que vous vous en souvenez, c'est bint laboun, c'est celle qui a 2 ans et qui rentre dans la 3e. Donc, pour de 76 à 91, c'est deux bint laboun. Maintenant, فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان للحديث الصحيح الذي جاء فيه. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل للإجماع على ذلك. Okay. Donc ça c'est toujours dans le même hadith, c'est juste des portions différentes du hadith qui sont mentionnées au fur et à mesure, d'accord? Et ici c'est que si tu as de 91 chameaux jusqu'à 120, tu dois donner 2 hiqqa, ok? Et on a dit que al-hiqqa c'est la chamelle qui a 3 ans et qui rentre dans la 4e. Donc tu dois donner ça comme zakat. Et on a mentionné le hadith, la portion du hadith qui prouve ça, de 91 jusqu'à 120, tu dois donner 2 hiqqa. Hiqqatan. Ok. فإذا زاد المجموع من الإبل عن 120 بواحدة وجب فيها 3 بنات لبون لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. Ça c'est rapporté par encore une fois Al-Bukhari, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est, ça dit quoi? Ça dit que à partir de 121 en montant, dans ce cas-là tu dois donner 3 bint laboun. Hein? Si tu as إذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة وجب فيها 3 بنات لبون, tu dois donner 3 bint laboun si, ça, si c'est plus que 121. فإذا زادت, le hadith ça dit, si ça augmente ou si tu as plus que 120, ok, pour chaque 40 tu dois donner une bint laboun et pour chaque 50 tu dois donner une hiqqa. Et des fois ça peut être un petit peu compliqué à comprendre si on n'a pas compris le principe, mais yani, c'est pas compliqué. Je vais essayer de vous donner un exemple de comment ça fonctionne, inshallah. Parce que à partir de 121, il y a plus d'exemples, disons, qui se suivent comme dans le hadith. Ça arrête à 121. Puis après, il y a une règle qu'on suit, c'est-à-dire pour chaque 40 et chaque 50, c'est-à-dire pour chaque 40, on donne une bint laboun et pour chaque 50, on donne une hiqqa. D'accord? Donc, comment ça fonctionne? Bon. En réalité, c'est à chaque 10 de plus, chaque fois qu'on a 10 chameaux de plus, donc ça change la quantité qu'on doit donner. Et je vais vous expliquer, c'est 121, à partir de 121, tu dois donner 3 bint laboun. Maintenant, quand tu arrives à 130, maintenant, tu regardes, c'est par rapport à un calcul qu'il faut faire. Il faut faire un genre de calcul. Tu regardes combien de fois le 40 peut rentrer et combien de fois 50 peut rentrer dans 130 pour faire la valeur de 130. Hein? Et donc, c'est ça, 2 bint laboun, c'est pour 40. Donc, 40 plus 40, ça fait 80. Plus 50, ça fait 130. D'accord? Donc, à chaque 40, tu donnes une bint laboun. Et à chaque 50, tu donnes une hiqqa. Donc, ça veut dire que le 40, il rentre deux fois. Donc, ça veut dire que tu donnes 2 bint laboun. Parce que tu as 2 fois 40. Puis, tu as une fois 50 qui rentre dedans. Alors, tu donnes une hiqqa. Donc, la zakat pour 130 jusqu'à 139, c'est une hiqqa et 2 bint laboun. Mais lorsque tu arrives à 140, maintenant, tu regardes. Tu peux faire deux fois 50, ça veut dire 2 hiqqa, parce que à chaque 50, tu donnes une hiqqa. Donc, tu peux faire rentrer 2 fois 50 dans 140, puis le 40 qui reste, ça c'est une bint laboun. Donc la zakat pour 140 chameaux, à partir de 140 jusqu'à 149, tu donnes deux hiqqa et une bint laboun. D'accord? Et pour 150, ben, tu rentres 3 fois 50 dedans. Donc, pour chaque 50, c'est une hiqqa. Donc, la zakat pour 150 chameaux, c'est 3 hiqqa. Parce que c'est 3 fois 50. Jusqu'à 159. Lorsque tu arrives à 160, c'est 4 bint laboun. Parce que 160, il y a 4 fois 40 qui rentrent dedans. Et 170, eh bien, ça continue comme ça, c'est une hiqqa et 3 bint laboun. Jusqu'à 179. 180, c'est 2 hiqqa et 2 bint laboun. Parce que 2 hiqqa, ça fait 2 hiqqa, ça fait 100. Et 2 bint laboun, ça fait 80. Donc, ça fait 180 au total. Donc, la zakat pour 180 jusqu'à 189, c'est 2 hiqqa et 2 bint laboun. Et 190, c'est 3 hiqqa et 1 bint laboun. Et quand tu arrives à 200 chameaux, tu as le choix. Parce que c'est un multiple de 40 et de 50. Le chiffre 200, c'est un multiple de 40 et de 50. Donc, c'est soit que tu donnes 5 bint laboun ou 4 hiqqa, tu as le choix. D'accord? Donc, ça c'est ce qui a rapport avec la zakat de l'ibl. Et ça continue ainsi de suite. À chaque 10, à chaque fois qu'on augmente de 10, eh bien, on regarde avec les 40 et les 50 combien rentre et on paie la zakat qui correspond. Cheikh Fawzan, il n'a pas mentionné ces détails-là dans l'explication dans son livre. Toutefois, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il a mentionné tout ça dans son livre, dans l'explication de Zad al-Mustaqni' qui s'appelle al-Mumti', Sharh al-Mumti'. Donc, j'ai trouvé ces détails-là pour vous expliquer en même temps. Et bon, moi-même, ça m'a aidé à comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, ce système de. Lorsqu'on dépasse la quantité, lorsqu'on dépasse 121. Comment ça fonctionne par la suite. Donc, d'accord. Maintenant, on rentre dans la zakat de la vache. Et puis, en ce qui concerne la zakat pour la vache, ben, ça ressemble un peu à ce qui a rapport avec le chameau, mais c'est quand même, il y a des différences. Cheikh dit thaniyan, zakat ou le baqar. أما البقر فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع. Il y a un point aussi, je ne sais pas si le cheikh le mentionne, je suis pas sûr si le cheikh le mentionne, mais je pense que oui. De toute façon, c'est juste pour vous dire, c'est que des fois ça peut arriver que la personne qui vient chercher la zakat, il calcule le nombre le nombre des chameaux, et puis il trouve que, par exemple, quelqu'un, on va dire qu'il a, supposons, il a 40 chameaux. Bon, pour le montant, lorsqu'il arrive, pour la quantité de 40, il doit donner une bint laboun, d'accord? Donc, il doit donner comme zakat une bint laboun. Mais supposons qu'il n'a pas de chamel bint laboun et qu'il a une bint machad. Donc, dans ce cas-là, il va donner bint machad et il va donner la différence en argent. D'accord? Ou si, par exemple, il doit donner une bint laboun, mais il n'a pas de bint laboun, mais il a une hiqqa qui est une année de plus, et donc elle coûte plus cher, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner le hiqqa, et celui qui récolte la zakat va lui rembourser la différence en argent ou avec des chèvres, avec des moutons, une brebis. Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle al-jubran, et ça c'est uniquement pour les chameaux, ça c'est spécifique aux chameaux seulement. Donc ça c'est juste un détail que je voulais expliquer pour juste pour vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne le principe. Ensuite, bon, pour Zakat al-Baqar, le Cheikh dit Amma al-Baqar, فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع. ففي الصحيحين عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه أو تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. Ça c'est rapporté par Muslim selon Jabir et dans Al-Bukhari dans Kitab al-Zaka et dans Muslim aussi. Donc c'est muttafaq alayh, c'est un hadith sahih. Le Cheikh il dit que la preuve que c'est obligatoire de donner la zakat pour la vache, c'est prouvé par les textes du Coran et de la Sunna. En fait, il mentionne un nas, c'est-à-dire par les textes et par les jumaa. Dans Al-Sahihain, c'est rapporté que Jabir a dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que toute personne qui possède des chameaux, un chameau ou une vache ou des moutons et qui ne donne pas la zakat qui est obligatoire pour ces animaux-là, eh ben, elles vont venir au jugement dernier et elles seront très grandes, elles vont être immenses et elles vont être très grasses et elles vont attaquer ces gens-là avec leurs cornes et elles vont les piétiner avec leurs pattes. Donc ça veut dire que ça sera la punition de ceux qui n'auront pas payé la zakat de ces animaux-là au jugement dernier. Et après le cheikh il dit وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 بقرة تبيعا ومن كل 40 مسنة رواه أحمد والترمذي. D'accord. Donc le cheikh il explique que c'est rapporté dans un hadith selon Mu'adh radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il lui a donné comme ordre ou comme commandement de prendre la zakat ou la sadaqa, dans le sens de zakat, la sadaqa de la vache. Pour chaque 30 vaches, tu dois donner une vache qu'on appelle, tu dois donner qu'est-ce qu'on appelle tabi'an. Et pour chaque 40, tu dois donner une musenna. D'accord? Donc pour chaque 30 vache, une tabir, et pour chaque 40, une musinna. Et ça, c'est rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi et An-Nasa'i aussi. Naam. Et le hadith dans At-Tirmidhi, c'est le hadith 622, et le hadith dans An-Nasa'i, c'est le hadith 2449. Donc, comment ça fonctionne pour la zakat de la vache? Ok, pour chaque 30, une tabi'a. فَتَجِبُ فِيهَا إِذَا بَلَغَتْ 30 تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَقَدْ تَمَّ لِكُلٍ مِّنْهُمَا سَنَةً وَدَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ سمي بذلك لأنه يتبع أمه في السرح. Ok. Donc qu'est-ce qu'il explique le chef ici? Il dit que pour chaque vache, chaque fois que tu arrives à 30 vaches, tu dois donner une tabi'a. Ok. Et c'est celle qui a complété un an et qui rentre dans la deuxième. On l'appelle comme ça parce qu'elle suit sa mère dans le champ. لا شيء فيما دون الثلاثين لحديث معاذ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30 فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجب فيها بقرة مسنة وهي ما تم لها سنتان لحديث معاذ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة رواه الخمسة وصححه ابن حبان فإذا زاد المجموع مجموع البقر على 40 وجب في كل 30 منها تبيع وفي كل 40 مسنة والمسنة هي التي قد صارت ثنية سميت مسنة لزيادة سنها يقال لها ثنية. D'accord. Donc c'est ça. Il est obligatoire de commencer à donner des zakat pour sur les vaches à partir de 30. Lorsque tu as 30, tu dois donner une tabi'a. Et c'est celle qui a un an et qui rentre dans la deuxième année. Et on l'appelle tabi'a parce qu'elle suit sa mère. Elle suit sa mère dans le champ. Voilà, chez Fiha, donne 30. En bas de 30, tu n'as rien à payer. À cause du hadith de Mu'adh. Qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est apporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i dans Kitab al-Zakat, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de, lorsqu'il m'a envoyé au Yémen, de ne rien prendre ou de ne pas prendre de vaches ne rien prendre comme zakat sur les vaches si la somme ou le total de la quantité des vaches n'a pas atteint 30. D'accord? Donc ça c'est le minimum c'est 30. Fa'idha balara, donc si ça arrive à 40, hein, t'as dépassé 39, t'arrives à 40, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire de donner une vache qu'on appelle Musinna. Et c'est celle qui a complété ses deux premières années, qui rentre dans la troisième. On l'appelle Musinna. Et on l'appelle Musinna pourquoi? Parce qu'elle commence à avoir des dents. Ok? Commence à avoir des dents, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Musinna. Ok. Donc, pour 40, lorsque tu arrives à 40, tu donnes une vache Musinna. Ça, c'est encore une fois prouvé dans le même hadith qu'on a mentionné. Et il y a un autre hadith aussi qui. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم استحديث كي رابورتي بار ابو داوود الترمذي النسائي ابن ماجه كي دي كل معاذ بن جبل دي لو بروفيت او لو ميساجي صلى الله عليه وسلم اوردوني دو براند بور شاك 30 vache une tabi'a ou tabi'a, c'est-à-dire un mâle ou une femelle qui a dépassé un an et qui est rentré dans la deuxième. Et pour chaque 40, de prendre une moussine. Ok? Et c'est celle qui a commencé à avoir des dents. Ok, il dit, donc si le total des vaches que tu possèdes a dépassé 40, alors dans ce cas-là, tu vas donner pour chaque 30. Une tabir et pour chaque 40 une moussine. Comme on a vu tout à l'heure pour le chameau, on disait qu'on donnait pour chaque 40 une bint laboun et pour chaque 50 une hiqqa. Donc ici c'est le même principe, sauf que pour chaque 30, quand on a dépassé 40, quand on a dépassé 40, pour chaque 30 on donne une tabi'a et pour chaque 40 on donne une musinna. Donc quand on a 50, donc on donne une musinna, c'est-à-dire on peut faire rentrer on fait rentrer le 40 dedans, mais jusqu'à on fait rentrer une musinna là-dedans, puis on ne peut pas faire rentrer plus que ça parce que il reste juste 10, donc on donne une moussina seulement. 60, on peut faire entrer 2 fois 30 dedans, donc on donne 2 tabi'a. Ok, 70, on peut juste faire rentrer, c'est bien une tabi'a ou une moussina, c'est les deux parce qu'il y a le 30 et 40. Ok, 70 c'est 30 plus 40, Donc c'est une musanna et une tabi'a. Parce que pour chaque 30, c'est une tabi'a, et pour chaque 40, c'est une musanna. Puis pour 80, c'est deux musanna parce que c'est 2 fois 40. Et pour 90, c'est 3 tabi'a. Parce que c'est 3 fois 30. Ainsi de suite. Et pour 100, c'est 2 tabi'a et une musanna, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Quelle heure est-il maintenant? Ok. On va continuer un petit peu encore, Inch'Allah. On ne pourra pas terminer le chapitre. Mais bon. On va au moins parler un petit peu de Zakat al-Ghanam. La Zakat des moutons. ثالثا زكاة الغنم الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع ففي الصحيح عن أنس أن أبا بكر كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 مئة شاة إذا كانت 40 إلى 20 شاة الحديث. Donc ok, la base de qui prouve l'obligation de la zakat pour les brebis, les moutons, c'est la sunna et l'ijma. Ok. C'est rapporté dans Sahih, selon Anas, que Abu Bakr radiallahu anhu lui a écrit une lettre lui expliquant les règles et les quantités de zakat qui sont obligatoires. Il a écrit dans cette lettre: voici l'obligation de la zakat que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire pour les musulmans et que Allah a ordonné à son messager. Jusqu'à ce qu'il arrive à la section ou la portion où il dit, et pour la zakat des moutons, il faut donner, lorsqu'on arrive à 40 ila 20 wa 100 sha. Ok, si je comprends bien, c'est de, si tu arrives de 120 à 140, tu dois donner une chèvre. En tout cas, la façon dont c'est dit ici, c'est pas tellement clair, mais on va l'expliquer, les détails de combien on doit donner de zakat pour les chèvres en détail. C'est juste pour dire que la base des quantités sont mentionnées dans ce hadith-là, c'est le hadith qui a été rapporté quand on a parlé de la zakat des moutons, des chameaux. Tout à l'heure, on a parlé de ce hadith-là, et c'est donc le même hadith qui est la référence pour la zakat des chèvres aussi, des moutons. فَإِذَا بَلَغَ مَجْمُوعَ الْغَنَمِ 40 ضَأْنًا كَانَتْ أَوْ مَعْزًا فَفِيهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ جَذْعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِي مَعْزٍ لحديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثنية من المعز والجذع وجذع الضأن ما تم له ستة أشهر وثني المعز ما تم له سنة. أوكي. Donc, le cheikh, il dit que lorsque tu as 40 moutons ou brebis, c'est pas important que ce soit une chèvre ou un mouton, brebis, le mâle ou la femelle. L'important, c'est que ce soit de ces catégories-là. Si tu en as 40, alors tu dois donner comme zakat une brebis. D'accord ? T'as donné une brebis. Et c'est pas n'importe quelle, c'est al-jaz' et al-thani. Et c'est quoi al-jaz'? Al-Jab, c'est celui qui a complété 6 mois. Ok, pour l'agneau. Ok, Al-Da'n, c'est l'agneau. Donc, il faut que ce soit un agneau de 6 mois. Et Al-Thani, Al-Ma'z, Al-Ma'z, c'est la chèvre. Il faut qu'elle ait complété un an. Ok, Thani Al-Ma'z. Ok. Donc c'est ça, tu dois donner soit un da'n, un agneau, ou un ma'z, c'est-à-dire une chèvre. Si c'est un agneau, il faut qu'il ait au moins 6 mois, et si c'est une chèvre, il faut qu'elle ait complété un an. Ça c'est prouvé par le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, hein, et qui dit que Souwayd ibn Rafla, il dit que la personne qui est venue envoyé par le messager sallallahu alayhi wa sallam pour ramasser la zakat, nous a ordonné ou nous a pris une jaza parmi les agneaux et une thaniya parmi les chèvres. Hein? Et al-jaza parmi les, pour les agneaux, c'est il a 6 mois complété, et pour la chèvre, il a complété un an. ولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن أربعين لحديث أبي بكر في الصحيح وفيه فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il n'y a pas de زكاة pour les chèvres. Pour les moutons, il n'y a pas de zakat pour les moutons si c'est moins que 40. C'est-à-dire, si tu as 39, tu ne payes rien, tu ne donnes rien comme zakat, sauf si tu désires. Et ça, c'est prouvé dans le hadith d'Abu Bakr dans Sahih, qui dit que si quelqu'un a moins que 40, il n'a rien à donner. Il n'a rien à donner, sauf s'il le désire. S'il donne, ça, c'est lui-même qui a voulu donner quelque chose de lui-même. Hein, comme sadaqa, ça c'est pas obligatoire pour lui. Après il dit فَإِذَا بَلَغَ مَجْمُوعَ الْغَنَمْ مِيَا وَإِحْدَ وَعِشْرِينَ وَجَبَ فِيهَا شَاتَانَ لِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَ مَرَّ مَعَنَا قَرِيبًا وَفِيهِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِيَا فَفِيهَا شَاتَانَ. Ok, si tu arrives à 121, ça veut dire, comme on a dit, de 40 jusqu'à 120, c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure là au début, de 40 à 120, tu dois donner une brebis. D'accord? De 40 à 120, si tu as cette quantité-là, tu dois donner une brebis. Mais lorsque tu arrives à 121, là, tu dois donner deux. Donc, de 121 jusqu'à 200, alors tu dois donner deux brebis. Comme zakat. Okay. Comme c'est mentionné dans le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure de Abu Bakr, c'est la même chose. فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْنْ وَوَاحِدَةْ وَجَبَ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَةٍ لِحَدِيثِ أَبِي بَكْرِ وَفِيهِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَةٍ. Donc si tu as plus que 200, si tu arrives à 201, tu as plus que 200, tu arrives à 201, là, tu dois donner 3 moutons. À cause du hadith d'Abu Bakr qu'on a mentionné. Que si ça dépasse 200, alors tu dois donner 2 chèvres. ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار فيقرر في كل 100 شاة وفي 404 شياة وفي 505 شياة وفي 606 شياة وهكذا. ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات وعمر حتى توفي رضي الله عنه فيه وفي الغنم من 40 شاة إلى 20 ومئة فإذا زادت شاة فيها شاتان إلى 200 فإذا زادت واحدة فيها ثلاث شياه إلى 300 فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400 فإذا كثرت الغنم ففيها في كل 100 شاء رواه الخمسة إلا النسائي. Donc là le cheikh il dit que une fois que tu as dépassé le montant, comme par exemple tu es arrivé à 201, tu continues par la suite pour chaque 100 de plus, tu vas rajouter une brebis. Comme par exemple pour 200, comme on a dit pour 200, on donne 3 brebis de 201 en montant, on donne 3 brebis à cause du hadith d'Abu Bakr. Puis ensuite le cheikh il dit, donc si tu as 400 chèvres, oui c'est ça, تستقر بعد هذا المقدار فيقرر في كل 100 شاة وفي 400. Quand tu arrives à pour 300 chèvres, ça reste 3. OK, de 200 jusqu'à 300, c'est la même chose. C'est 3 brebis. Mais quand tu arrives à 400, tu dois donner 4. Quand tu arrives à 500, tu dois donner 5. Quand tu arrives à 600, tu dois donner 6, ainsi de suite. D'accord ? Après, c'est à chaque 100. Après que tu arrives à ce montant-là, tu dois donner pour chaque 100. Et ça, c'est expliqué dans la lettre que Abu Bakr a envoyée à Anas, comme j'ai dit tout à l'heure dans le hadith. Et c'est ça que Abu Bakr a suivi comme exemple pour la zakat jusqu'à ce qu'il meure. Et Omar, radiallahu anhu, il a suivi ça aussi jusqu'à ce qu'il meure. Et il explique dans cette lettre, il dit que pour les moutons, quand tu arrives à 40, tu dois donner une brebis jusqu'à 120. Et si tu as augmenté, tu as plus que 120, donc tu arrives à 121, jusqu'à 200, tu donnes 2 brebis. Et si ça augmente de 1, comme si tu arrives à 201, là tu donnes 3 brebis. إلى 300 جزكا 300. فإذا زادت بعد فإذا زادت بعد فليس فيها شيء. Si c'est plus que 300, il y a rien. C'est-à-dire tu dois donner quand même juste 3 jusqu'à 400. Lorsque tu arrives à 400, là tu donnes 4 brebis. Ainsi de suite. À chaque 100, tu vas augmenter de 1. OK? Donc si c'est 400, tu donnes 4, si c'est 500, tu donnes 5, si c'est 600, tu donnes 6, ainsi de suite. Ok, attendez juste un instant. Ouais, on va continuer un petit peu encore pour expliquer quelques conditions. Cheikh dit, « Wa la tu'khadh harima, wa la mu'iba, wa la tujza'u » في الأضحية إلا إذا كانت كل الغنم كذلك ولا تؤخذ الحامل ولا الربا التي تربي ولدها ولا طروقة الفحم أي التي طرقها الفحم لأنها تحمل غالبا و لحديث أبي بكر في الصحيح قال لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال عليه الصلاة والسلام وليس من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. فلا تؤخذ كريمة وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها ولا تؤخذ أكولة أي السمينة المعدة للأكل أو هي كثيرة الأكل فتكون سمينة بسبب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن وإياكم وكرائم أموالهم. متفق عليه. Donc le cheikh il explique ici que on ne doit pas prendre les chèvres comme zakat ou les brebis qui sont vieilles ou qui ont des défauts, des maladies ou des choses comme ça. Et non plus, on ne doit pas prendre celle qui est enceinte, celle qui a une portée, ou celle qui est en train de, disons, de s'occuper de son petit. Elle vient juste d'accoucher, puis elle s'occupe de son petit. Ou bien celle qui vient juste d'être, disons, accouplée, puis on croit que elle risque d'être enceinte. Hein, elle risque d'être enceinte par la suite. Et donc, ça, dans ce cas-là, on ne doit pas la donner comme, ou celui qui récolte la zakat ne doit pas prendre ces catégories-là. Et les explications de ça, c'est comme dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Anas, comme on a dit tout à l'heure, que Abu Bakr a écrit à Anas cette lettre. Il a dit: ne prenez pas comme sadaqa les brebis qui sont très avancées en âge ou qui ont des défauts, et ne prenez pas non plus le mâle, excepté si la personne qui donne la sadaqa le désire. Et At-Tayse, c'est le mâle. Ok, c'est le bouc. Donc habituellement le bouc, il est moins, sa viande est moins bonne que celle de la femelle, et il est moins recherché. Puis en même temps aussi, c'est le bouc qui, disons, est utilisé pour, comment on dit ça, le terme, qui est utilisé pour, disons, subhanallah. Quand on veut que les brebis tombent enceintes, on l'utilise le bouc pour les faire accoupler. Donc on le donne pas justement en zakat pour pas être privé de ce bouc là justement, qui va nous permettre de faire multiplier, disons, les moutons entre eux. Et en même temps, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans le verset 267, dans surat al-Baqara, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. C'est-à-dire, essayez pas de vous débarrasser des choses qui sont pas bonnes, que vous aimez pas, en le donnant en sadaqa. Et ça, c'est quelque chose qui est malhonnête de faire. Ça, c'est pas quelque chose qui est bien. Quand tu donnes quelque chose pour Allah, tu dois essayer de donner quelque chose qui est quand même bien, que tu aimes, et non pas les affaires que tu veux t'en débarrasser, d'accord? Parce que ça, disons, un manque de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, puis aussi envers les personnes pour qui tu les donnes. Mais en même temps, même si tu donnes pas les choses que tu aimes pas, mais tu donnes pas non plus tes meilleures choses, ou les choses que tu préfères, les plus celles qui ont plus de valeur. Walakin min wasati amwalikum fa inna Allah lam yas'alkum khayra. C'est-à-dire que tu donnes pas le meilleur, mais tu donnes pas le mauvais non plus. Hein? Tu gardes qu'est-ce qui est le meilleur, et tu gardes qu'est-ce qui est pas bon, et tu donnes qu'est-ce qui est entre les deux. D'accord? Et donc faut être dans le juste milieu. Toutefois, si tu décides de donner de ton plein gré quelque chose de bon, comme c'est déjà arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui est venu chercher la zakat à un des sahaba, et lui, il a voulu donner en sadaqa une vache qui était qui avait plus de valeur que ce qui était obligatoire pour lui. Alors, la personne qui est venue pour récolter la zakat, il a dit: non, moi je prends pas ça, parce que ça, c'est plus que ce qui est obligatoire. Si tu veux savoir les détails à ce sujet-là, va voir le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est là, demande-lui. Alors le sahabi est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit: voici, moi j'ai cette vache, elle est grasse, elle est bien et tout, puis moi, il m'a dit, celui-là, que c'est pas obligatoire pour moi de donner cette vache-là, parce qu'il dit qu'elle a plus de valeur que qu'est-ce qui est obligatoire. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dans ce cas-là, si tu le donnes, si tu veux donner ça, c'est plus que qu'est-ce qui est obligatoire pour toi, mais si tu désires le donner, c'est un bien de plus pour toi dans ce cas-là. Donc, si la personne désire le donner de son plein gré pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, c'est un surplus de bien hein, qu'elle fait. Mais ce n'est pas obligatoire. Et le cheikh, il dit ensuite que tu ne dois pas prendre, la personne qui vient prendre la zakat, comme les zakat des animaux, des bestiaux, il ne doit pas prendre les meilleurs parmi les biens des gens. Et il ne doit pas prendre celle qui est bien grasse et que les gens vont l'utiliser pour la manger, pour sa viande, ou celle qui mange beaucoup. Et il y a mention de ça dans le hadith de Mu'adh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit « Wa iyyakum wa kara'im wa amwalihim », c'est-à-dire « Fais attention de toucher aux biens qu'ils aiment et qui sont les plus précieux pour eux, qui ont le plus de valeur. » C'est-à-dire, touche pas à leurs biens les plus précieux, mais touche ou prends des choses qui sont entre le bien et qu'est-ce qui est mauvais. Pas le meilleur et pas le mauvais. Donc, parce que c'est une forme d'injustice de faire ça. Donc ça c'est très important. Il y a un passage ici, j'ai besoin de clarifier la signification de ça, donc je vais passer là-dessus. On va s'arrêter ici, puis demain on clarifiera, parce que demain c'est lundi. Donc comme j'avais dit au début, on va faire le cours le dimanche et le lundi, pour pas gêner les autres frères qui donnent des cours le samedi. Donc on va faire le dimanche et lundi, Inch'Allah. Et demain donc je clarifierai ce passage-là plus en détail, parce que j'ai besoin de retourner à vérifier certaines choses. Et on continuera donc ça pour demain, Inch'Allah. On va faire la suite de la zakat des animaux, puis on commencera probablement peut-être la zakat des fruits et des biens enfouis sous la terre et des graines et des choses de ce genre, des céréales et des trucs de ce genre. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je m'excuse si des fois j'hésite dans certains points, parce que comme je disais hier dans le dars, c'est des sujets qui pour des gens qui sont nés à la ville comme moi par exemple, bon, je sais que la plupart d'entre vous c'est la même chose, qui n'ont pas été en contact avec les fermes, les animaux de ferme, bon, on ne connaît pas toujours les termes et les exemples et les choses qui sont mentionnées. Toutefois, on essaie de comprendre et d'expliquer le plus simplement possible pour faire comprendre le principe. Mais bon, bien entendu, celui qui est familier avec ça, il est beaucoup plus à l'aise d'en parler, ou celui qui l'a expérimenté. Mais bon, alhamdoulilah, quand même, ça nous aide à comprendre la grandeur des principes de l'islam, puis comment l'islam a, disons, des clarifications et des règles pour chaque aspect de la vie, puis pour chaque catégorie de la vie également et de la société. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, on s'arrête ici, puis on continue, comme j'ai dit, demain, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.